De quoi, de quoi? Que j'ai passé déjà pour la réparer, ça déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vas venir m'emmener mes sous, tu vas m'enlever ton tas de merde ici, et puis tes saloperies de putain de bagnole là, je vais plus les voir d'ici là, je vais plus les voir d'ici, t'as compris? Pas comme ça là! Tu vas prendre ton auto là, tu vas me dégager d'ici là, tu vas me dégager d'ici là, tu vas m'emmener les sous, t'es vache, tu vas m'emmener les sous, parce que toi l'auto là, l'auto va finir dans la loi, elle va finir dans la loi, t'as bien compris? Déjà, tu vas changer le carreau, tu vas changer le pavé, ça va se faire, je vais manger le pavé, je vais manger le carreau. T'as bien compris ce que je viens de te dire? Viens me chercher ton carreau, là, là. Chercher ton tas de merde là! que oui, le carreau est cassé. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire?